Voilà, voilà, c'est l'intempestive. Donc, moi, je m'appelle François Lindeau. J'ai choisi comme pseudonyme Sans Trésor parce que François Lindeau, c'est le nom qu'on a donné à ma naissance. Mais quand j'ai voulu travailler sur la peinture et écrire, j'ai trouvé que je voulais prendre un nom à moi que je m'étais donné moi-même. Mais j'ai choisi Sans Trésor. Voilà pourquoi moi, je suis nous Sans Trésor. Moi, je dirais que le savoir des usagers est une chose immense. Étant donné que chaque individu comporte en lui des richesses insoupçonnables et qui ne sont pas toujours mises en valeur par lui-même ou qu'on ne lui donne pas la chance de mettre en valeur. Et je dirais que les réponses à la psychiatrie qu'on nous laisse actuellement sont presque quasi nulles, étant donné que le psychiatre, quand vous êtes face à lui, ne vous voit pas comme sujet mais comme objet, et que donc il vous laisse très peu de chance pour intervenir dans son diagnostic. Mais par contre, je dirais que l'IGM et ce lieu qui est ici, l'atelier du non-faire, et l'IGM sont une réponse à la psychiatrie. C'est notre réponse, parce que c'est le lieu où on peut faire ce qu'on a envie de faire, sans contrôle, sans maître, sans directeur, sans censeur. Sans loi, oui, mais on fait ce qu'on a envie d'y faire. On a quand même travaillé sur une charte, sur le comportement. Mais bien sûr. Bien sûr, le jeune n'est pas un lieu où on fait n'importe quoi. Mais dans les limites du possible, on peut faire ce qu'on a envie d'y faire. Fin février 2009, s'est tenu le 11e symposium de l'atelier du non-faire à l'atelier Z, avenue de la Grande Armée à Paris. Le symposium, c'était plusieurs jours de présentation des travaux de l'atelier du non-faire, atelier de création artistique, né au sein de l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, et du groupe d'entraide mutuelle, les Amis de l'atelier du non-faire. Plusieurs jours d'exposition de peinture, de débats, de lecture de textes, de conférences. Dans les contextes politiques, ne respecte plus, décolle l'être humain, décolle l'humain. Hein, voilà. Pour en faire une chose observable, alors là, je crois qu'il faut s'inquiéter. Extrait de Histoire non-faire, issu du site atelierdunonfaire.org. L'atelier du non-faire a été créé au sein de l'hôpital Maison-Blanche en 1983, sur l'initiative de Christian Sabas, peintre et musicien, infirmier psychiatrique dans le service du docteur Pariente. Une urgence s'imposait, briser le quotidien asilaire, transcendant l'instant en chaque acte, chaque tentative, chaque existence, chaque vécu, chaque expérience devenant une aventure humaine. Christian Sabas remarque très tôt le problème des rapports des soignants avec le patient, tenu à distance, infantilisé et considéré comme objet. Avec la blouse blanche, il refuse les pratiques routinières et commence à établir des relations avec les personnes hospitalisées, par des moyens ordinaires comme une partie de ping-pong, une promenade, une simple conversation. Christian amène parfois sa guitare, parfois du matériel de dessin. Le conflit éclate le jour où il invite des musiciens à venir jouer avec les patients. L'atelier n'est d'un arrangement. Un aménagement que le docteur Pariente trouve pour garder son infirmier hors norme tout en protégeant un fonctionnement institutionnel immuable. Un lieu d'asile à l'intérieur de l'asile est trouvé dans un pavillon désaffecté, le 53. À partir de là, les patients se mettent à l'œuvre avec des matériaux de récupération. Tout est bon pour devenir support de création, papier, carton, drap. L'espace de concrétisation, transformation, travail est de 1000 m² environ. Il ne s'agit pas d'un atelier d'ergothérapie, ni d'art-thérapie, ni d'expression psychopathologique, lieu où l'homme est réduit à pondre un art qui sera décortiqué pour et par la science, mais plutôt un espace où toutes tentatives, réalisations se joueront, se vivront en possibilité de devenir. En 2005, le PS Maison-Blanche, sous la direction de Mme Nicole Pruniot, annonce que les caractéristiques de fonctionnement de l'atelier du non-faire ne correspondent pas à celles d'un service sanitaire. Dans un projet de déménagement du site hospitalier sur Paris, on décide du détachement définitif de l'atelier. Les usagers se réunissent en novembre 2005 pour fonder le GEM, groupe d'entraide mutuelle, les amis de l'atelier du non-fer. D'accord. Et le troisième point, c'est où vous classez les chamans? Moi, ouais, ben, merci de dire merci. Ça, parce que moi, j'ai envie de dire. On part d'abord à la découverte du non-fer, porte de Montreuil, au studio d'enregistrement du groupe Démence Précoce, qui s'est constitué au sein de l'atelier du non-fer. Bon, on va passer à la personne suivante. Bon, ben, salut Ismaël, salut Christian. Salut. Bah, peut-être que je vous laisse vous présenter. Ismaël, tu veux te présenter? Ben là, justement, le bug, il commence là. Ben, Ismaël, de l'atelier, donc peintre, et puis voilà. Christian, tu veux te présenter? Alors, c'est Christian, le bug, il commence là, c'est, c'est infirmier psychiatrique, Maison Blanche, depuis de nombreuses années, qui continue. Et puis Eric, batteur de Démence Précoce, peintre aussi, Ismaël a omis de dire qu'il, est, qu'il prenait en main quand même pas mal de directives au sein du non-fer. Voilà ce que je voulais rajouter. T'es devenu président de l'atelier du non-fer, non, Ismaël, quelque chose comme ça, non? Pas vraiment. Alors le président, ça reste l'infirmier psychiatrique Christian Sabas. non, c'est surtout que dans, la, dans le projet de développement de l'atelier, par rapport au projet de fermeture de l'hôpital, il a fallu trouver des solutions pour l'extérieur. Et donc, pour correspondre avec l'extérieur, il a fallu définir un rôle. Mais bon, c'est un rôle administratif. Dans c'est le langage pas, d'Ismaël, se mêlaient les mots du gestionnaire et ceux du sorcier. À moi, les stratégies de communication et les pouvoirs de la magie. Avec l'extérieur. Au symposium, donc, j'avais été frappé par une toile moins magique que je découvrirais plus tard être de lui. Mais qu'elle le soit. C'était un grand tableau où figurait un éléphant allongé au milieu d'une grande surface rouge vif. L'œil entrouvert de l'éléphant se trouvait au centre du tableau. Il me dira plus tard qu'il avait travaillé dans un cirque. Ben justement, pour les gens qui ne connaissent pas, comment est-ce que vous pourriez définir l'atelier du non-fer? Alors, comment je le définis avec les, l'extérieur? L'atelier du non-fer, c'est de l'accompagnement par la créativité, anonyme et gratuit, et qui, par le biais des événements, fait de la rupture de l'isolement, la réintégration sociale, etc. Oui. Voilà. Et c'est que pour des gens qui sont patients à Maison Blanche ou c'est beaucoup plus large que ça? Oh là, c'est beaucoup plus large. C'est en fait tous ceux qui s'y reconnaissent. Au départ, c'était association avec adhésion volontaire. Aujourd'hui, on est plus classé dans activité de santé humaine non classée ailleurs. Mais ça touche... Tu parles là de catégories qui sont à l'intérieur des institutions ou... Oui, ouais. Parce que justement, l'activité de l'atelier est tellement hors norme qu'il a fallu juste trouver une sorte d'échantillon pour communiquer avec l'extérieur. Parce qu'en fait, tout montrer comme ça, ça faisait quelque chose de trop... et d'inimaginable, ou enfin ce qu'on veut, et donc après ça devenait juste une magie, et dans la magie personne ne peut y prendre pied ou corps, on va dire, et donc après il y avait une difficulté à faire que les gens s'activent autour de ça. Oui, ça a toujours été, quelle que soit l'activité faite ou proposée par le non-fer, ça a toujours été d'expression libre, voilà. Eric avait pris part à l'entretien, mais il était resté en retrait, derrière sa batterie. Au symposium, un autre tableau m'avait frappé. Ismaël me dira qu'il était d'Eric. C'était une toile en noir et blanc, où des triangles de visages, presque pareils les uns aux autres, s'alignaient sur plusieurs rangées. Non mais je pense que les jeunes, ils oublient de dire qu'on travaille. L'idée, ça a toujours été de sortir de l'asile. Sortir de l'asile, hôpital psychiatrique, institution, mais sortir aussi de l'enfermement aussi qu'on a en soi comme ça. Et donc, on va tout le temps vers l'ouvert. La communication à avoir, c'est tenter de faire en sorte que ceux qui, quelque part, t'ont rejeté, t'ont foutu dans les asiles, t'ont mis dans des voies de garage, eh bien, petit à petit, tu leur dis par l'œuvre dite d'art, par la peinture, la musique, par les concerts, par les expos, tenter de leur dire qu'on ne veut pas mourir et puis on n'est peut-être pas si fou que ça. Et puis on essaye de vivre, de survivre en fait. Donc c'est un grand travail quoi, de remise en route, de revenir sur le chemin en fait. Et je crois que c'est clair qu'il y a besoin aussi et de ce qu'il appelle un accompagnement administratif qui dit qu'il fait Ismaël, tout ça, pour aider à faire avancer, on pourrait dire, la machine, mais le non-faire, tout ça, quoi. Mais c'est une manière de faire, hein. Moi, j'appelle ça souvent une alternative, parce que, disons que travaillant depuis très très longtemps à l'hôpital, depuis 75 en fait, je suis à l'hôpital de Maison-Blanche, donc le mot alternative, il est intéressant dans l'idée, dans la dynamique de l'autre, de porter de l'autre, porter un autrement, porter une autre manière de considérer les gens, l'individu quelconque. C'est pourquoi ça reste ouvert aussi à tout le monde, l'atelier, parce que l'idée de l'autre, savoir qu'il y a un espace qui peut être disponible aussi pour toi, c'est intéressant, que ça existe quelque part, c'est bon, quoi. Christian était guadeloupéen. Il avait le regard qui partait souvent ailleurs. Il parlait toujours poétiquement. Il ouvrait des brèches dans le réel. Son point de départ, ce n'était pas les choses telles qu'elles étaient, mais telles qu'il les inventait. Justement, tu parles d'alternative et ça a démarré parce que toi, tu étais en rupture par rapport à ce que tu percevais de ton expérience d'infirmier psychiatrique, d'après ce que j'ai compris. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais expliquer justement le démarrage de... Comment l'atelier du non-faire s'est créé en 83, d'où ça vient? Mais la folie, c'est de la rupture. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans ce phénomène-là. Et puis après, qu'est-ce que t'en fais? Bon, en tant qu'infirmier psy, tu vois, ça reste un univers bien précis où tu évolues dedans. Et comment avoir un rapport... on pourrait dire intéressant, convenable, confortable pour un homme qui a été enfermé contre son gré dans l'asile. Donc le problème, il se pose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pu entendre, écouter et puis voir des choses, me confronter aux gens. Et petit à petit, des solutions sont venues, on pourrait dire, d'elles-mêmes. Dans la mesure que les gens qui sont enfermés dans les pavillons, ils ne veulent pas rester enfermés. Donc, il faut trouver un espace où tout le monde va se mettre... Enfin, tout le monde. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent se mettre ensemble et faire avancer quelque chose. Moi, j'ai su, à un moment, disposer des bouts de papier ou bien des instruments, des percussions, des choses comme ça, un peu partout, dans une pièce. Et puis, ça a démarré comme ça. Hein. Ça a été... on pourrait dire que la perspective créatrice a été vraiment une ouverture, un lieu où les gens allaient dire quelque chose. Le non-faire a commencé beaucoup comme ça. Voilà. Bien, vous allez entendre une musique par Marie Fontaine, piano. Pourquoi tu as dit le piano si tu arrives à l'entendre? Attends, je viens de manier cette putain de siège. Oui, j'ai eu plus de force. à la fin de 20 minutes d'improvisation, où avait alterné la délicatesse et le chaos, que tout le monde avait écouté dans un silence total. Fabrice s'était excusé, en disant qu'il n'avait jamais si mal joué. Alors, on a fait une pause de 5 minutes, on est traité par le temps, on a encore 4 personnes à interpréter, et on fait une pause de 5 minutes. Et pourquoi ça s'appelle l'atelier du non-faire ? C'est quoi le non-faire ? Ça, c'est un projet à Evelyne, ça. C'est, ouais, c'est une fille qui était dans Maison Blanche, qui est venue un jour là, et puis qui a dit que cette manière de faire, où elle semble sentir un espace de vivre, de liberté dans ce lieu d'enfermement, eh bien, elle a appelé ça le non-faire, comme si, effectivement... Et faire, c'est toujours classique, traditionnel, tout ça. Et l'atelier proposait un espèce de travail comme si c'était hors cadre, mais dans le cadre. Tu vois, on est dans l'hôpital, mais on fonctionne comme si on était dans Paris, dans un lieu. Disons que l'expérience créatrice était faite un peu comme ça. Alors, toujours la liberté, libre de ne faire, de faire ou de ne pas faire. Toujours ça. D'accord. Dans le non-faire. Toi, Ismaël, tu vois quoi dans le non-faire ? Non, ben c'est la même chose. C'est la destination, je vois plutôt. Une toile, il n'y a pas d'obligation. En l'attaquant, on ne se dit pas on va la gâcher si on rate ou des choses comme ça. Donc il y a justement cette liberté-là de choisir la destination de l'acte démarré, quoi. Donc c'est ouais, une vraie réappropriation de son œuvre. Pas l'œuvre en tant que peinture, hein. L'œuvre en tant que mise en mouvement, en action. Et à Maison Blanche, ils étaient beaucoup dans le faire. Ils ont accepté comment au début la création de cet espace-là, et même ne serait-ce que la réflexion en fait, qui était portée par ce qui était proposé à ce moment-là. Mais disons que nous, ça n'a pas été quelque chose de proposé, de théorisé, de tout ça. Non, c'est quelque chose qui est venu... Non, mais il a un beau pantalon. Allez, vas-y, continue. Mais c'est quelque chose qui est venu comme ça et tout seul. Hein. On pourrait dire que c'est la masse des choses que les gens ils avaient à donner, à mettre dehors, la masse des angoisses que les gens pouvaient porter en eux, ou bien la masse de désordre que les gens ils pouvaient porter en eux, peut-être la masse aussi d'espoir de sortir de l'enfermement, qui a fait que quelque chose s'est mis en place, un mouvement comme ça. On peut dire que c'est des imaginaires qui se sont mis là, et dans ce lieu-là, et ça a aidé à faire naître quelque chose. Et comment ça a été reçu, tout ça? Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est bien que ça a été reçu de la manière que ça a été reçu, c'est-à-dire que ça n'a pas été reçu du tout, dans la mesure que ce que le dit patient porte en lui semble ne pas, à l'état brut, c'est quelque chose qui n'est pas communicable. Donc l'atelier du non-faire, justement, depuis 83, permet de sensibiliser les gens, le normal, quoi, les normaux, à cette chose-là et qu'ils refusent, quoi, en quelque sorte. Et donc, le non-faire, c'est pas accepté. Ça semble accepté. Par exemple, tu vas voir l'expo, tu vas voir des concerts comme ça, mais il y a quand même toute une psychiatrie en France et qui continue de fonctionner au Moyen-Âge, hein. Et donc, il y a eu une histoire avec Sarkozy dernièrement, on lui a dit qu'il faut enfermer tous les schizophrènes, machin, chose. Mais moi, je sens pas tous ces trucs-là, la schizophrénie, machin. Il y a plein de gens qui, à un moment, ils sont mal, mais il faut trouver on pourrait dire les bonnes personnes qui aident à faire un peu de chemin ensemble. Mais il semble, pour une raison que moi, je maîtrise pas trop, qu'il n'y a pas plein de gens qui veulent aider l'autre. On n'est pas dans une société où on veut entendre l'autre, être avec l'autre, et c'est le problème, il est que là. Il n'y a pas plus de schizophrène que ça. Quand quelqu'un fait un acte violent, c'est parce que un an, 6 mois ou 3 mois avant, il a pas été dans la chaleur. Et puis c'est tout. Il faut trouver les gens et qui veulent faire en sorte que les gens aillent bien. Tu trouves pas les gens, tu les trouves pas. Ouais. La psychiatrie comme elle est, Et il semble qu'on ait besoin d'institutions, de lieux pour garer des malades. Mais en fait, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a aucune chaleur. Et je ne vois pas tous les médecins qui prétendent que oui... c'est difficile, il faut qu'il y ait de plus en plus de psychiatres, il faut tout ça. Moi, je trouve que c'est ridicule, il n'y a pas besoin du tout de ce genre de truc-là. C'est se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas de chaleur. Ouais, il n'y en a pas du tout. Mmh. Non, en plus, on construit l'image du fou qui est un criminel, bah, le criminel qui est un fou, et pour mieux pouvoir enfermer tout le monde, quoi, effectivement. Ah, oui. Puis il y a une dérive aussi sur le mot psychopathe. Psychopathe à l'origine, ça veut pas dire criminel, hein, ça veut dire malade mental, c'est tout, hein, tout simplement. Mais maintenant, dans ce qu'on appelle inconscient collectif, quand on entend psychopathe, ça veut dire dangereux criminel, quoi, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, alors que c'est faux, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que la démarche, elle est plus culturelle, parce qu'il y a d'un côté faire de changer les mentalités. Parce qu'en en termes de ressources humaines, on entend parler beaucoup de ressources humaines, mais ressources humaines, c'est pas un nombre de personnes pour remplir un planning. C'est quelle capacité les personnes ils ont justement à faire les choses. Donc c'est tout ce travail-là que c'est pas forcément un diplôme qui va dire qu'il y a une possibilité de vivre avec les gens. C'est plus un qu'est-ce qu'il y a comme ressources personnelles, comme histoire personnelle, comme désir personnel, etc., qui fait qu'il y a une vie possible. Mais le mal, en fait, il est là, si tu veux, c'est, bon, le mal, non. Le grand problème, il est là par rapport à ce qu'ils appellent la folie. C'est totalement... On a toujours des gens, et même, on pourrait dire, diplômés, surdiplômés, mais quand ils arrivent dans le lieu même où il y a le mec, dit malade, eh bien, pour une raison qu'on ignore, eh bien, ils n'ont pas le rapport, ils n'ont pas le... Dans la proximité, ils ne l'ont pas. La relation n'est pas travaillée, la relation ne peut pas se restaurer. Et donc, c'est un grand problème. De quoi il faudrait parler? Et parce que les gens, ils ne peuvent pas parler. Le normal ne veut pas parler aux malades. Mmh. Les gens sont payés pour travailler en psychiatrie ou dans des lieux où il y a des malades, des fous. Mais le travail ne se fait pas. Si tu me dis que oui, et donner les médicaments, c'est faire le travail, je dis non. C'est tout. C'est pourquoi nous le non-faire, tranquille, gentil. Deux coups de baguette, deux coups de guitare, un petit coup de pinceau par là, une petite chansonnette par là, la la la la. Et bien c'est là qu'on envoie. Non, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'on veut mettre de la joie, parce que les gens, ils rigolent. On veut dire, ouais, il est fou, machin. Mais en fait, des mecs, ils ne pensent qu'à rigoler. Mmh. Il faut trouver des gens qui veulent accompagner, les faire sortir du truc. Si t'as que des mecs en costume, cravate, qui s'assiedent dans leur bureau, et mon patient va venir, tout et tout, il attend son patient, et il lui dit raconter sa vie, machin. On n'est pas sorti de l'auberge, tu comprends. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Mmh. Donc le psychiatre ne fait rien avancer dans ce qu'on appelle la psychiatrie aujourd'hui, et je vois pas trop ce que le psychiatre demande. C'est vrai, parce que je vois pas l'intérêt d'en avoir plus. Texte de Jean-Pierre, issu du livre L'atelier du non-fer, paru aux éditions UNSP en 2003. Les courtisans du non-fer défilaient comme des miroirs sans face, suivis par des ânes frisés. Vêtus de paille et de velours, ils dansaient sans suite des rhapsodies sans vers. Quand ces vagues ont gonflé et que le vent a soufflé plus fort, les courtisans du non-fer se sont précipités sur le cendrier plein, l'ont vidé et l'ont jeté à la mer, comme un canot de sauvetage. Tous installés à bord, ils ont contemplé l'ennui en train de sombrer, corps et biens, tentant mais vainement de soutenir son houka au-dessus de sa tête pour qu'il ne s'éteigne pas. Au bout de 40 jours, le cendrier a échoué sur une plage, avec un soleil assez jaune. Les courtisans du non-fer ont fondé une république, qui n'avait ni chef, ni justice, ni police, ni IPP, ni chambre carcérale, ni camisole de force. C'est un véritable défi humain, hein, parce que c'est justement cette notion de magie-là. Parce que bon, je m'aperçois dans les démarches, les gens veulent tout cataloguer. Donc, s'il y a activité peinture, il y a forcément un référent artistique avec des horaires, avec des cours, etc. Donc, il y a l'explication du fonctionnement, c'est que ben on vit comme ça, mais pour eux c'est pas concevable. Donc la magie, elle est uniquement dans le fait que c'est trop simple. C'est plus compliqué, hein, que de faire des choses figées, parce que ça implique plus, mais c'est de faire en sorte que la chose soit simplement vivante, et dans une dynamique de vie où c'est le défi qui prend le dessus par rapport à toutes les difficultés présentes. Et donc faire vivre une vie belle, c'est quelque chose aussi qui prend. Mais c'est quelque chose qui doit se définir au niveau institutionnel, et que nous, justement, on le fait en essayant de garder la magie, c'est-à-dire en montrant ce qu'on fait. Et en montrant ce qu'on fait, c'est l'institution plutôt qui adapte son mode de fonctionnement par rapport à l'atelier. La magie, c'est montrer, oui, démontrer et démonter le mécanisme de mort, en fait. L'histoire, c'est montrer que par tous ces tableaux, toutes ces peintures, toutes ces musiques, qu'il y avait de la capacité, et que, justement, on ne peut pas considérer que c'est des gens nuls et improductifs qui font tout ça, qui ont fait tout ça depuis tant de temps. On voit pas, et les gens, leurs tableaux, quand on les montre, on voit bien qu'il y a de l'intérêt d'un public pour ces choses-là. Donc on montre aux gens que oui, je dirais pas le malade, mais que le non-faire, justement par cette manière-là de faire, on pourrait dire, et porte justement la capacité de changement, tu vois, ça peut faire même de la politique, hein, parce que c'est comme si c'était un événement un peu aussi du non-faire, on pourrait dire politique, cette manière de porter la chose au devant, et en annonçant que oui, c'est pas des assassins, c'est des gens qui portent du beau. Et le beau, il est là, affiché là. Il est dans les textes, il est dans les peintures, il est dans le regard des gens, quand les gens y voient le tableau. Et peut-être ils peuvent se poser la question du qui fait ça. Et à savoir qu'un autre va dire oui, c'est des malades, machin, des psychotiques, machin. Mais les gens ont travaillé à leur sortie eux-mêmes de l'asile en faisant ça. Et donc, je ne peux pas dire que c'est les médicaments qui ont fait quelque chose. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont bossé dedans, et j'ai vu ça vraiment comme du travail. Ils y ont été... disons qu'il y a eu de la transformation. J'ai vu la transformation chez plein de gens, parce qu'ils y allaient. Peut-être pas régulièrement, mais ils y allaient. Il y a quelque chose qui se joue dans le tableau, dans le texte, dans la création, et qui permet justement de revenir sur un chemin mieux balisé, plus humain. Moi, je crois ça. Ouais. Mais je dirais à propos du beau, excusez-moi, même le lait peut être beau parce qu'il est là, quoi. Voilà. Mais la folie, c'est considéré comme du lait. Oui, oui. Ah ben, oui, oui. Ben on est sous la même longueur d'onde. bien que moi, j'ai tendance à dire que le beau, c'est du lait trafiqué, quoi. Oui, ouais. du lait embelli. Parce que, ouais, c'est vrai, il y a un travail comme ça, ouais. Faire venir les gens à visiter l'atelier, c'est très difficile. Ils diront toujours que c'est très loin, qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc ça va être que des choses où ils disent « mettez sur papier ce qui a été fait en réel ». Et sur papier, ils regardent ça comme ça, eux-mêmes, ils n'imaginent pas que quelque chose que sur format A4 peut faire 2 mètres de haut. Donc c'est plus des choses qui vont les mettre face à une réalité, à un travail que peut-être même eux, ils ne seraient pas en mesure de faire. Il faut qu'il ajoute pour le couper que les gens aussi veulent pas aller dans l'asile, voir aucun tableau dans l'asile. Personne ne veut aller dans l'asile. Il faut qu'ils se rendent compte de ça. C'est mieux d'envoyer des petits papiers partout, et c'est bien des petits mails partout. Oui, tout devient accueillant et sensible, sympathique. Mais les gens, ils veulent pas mettre les pieds dans l'asile. Ils ont envoyé des gens, leurs enfants, leurs fils, leurs frères, dans les asiles. Se faire soigner. Mais ils iront pas. Ils vont pas dans l'asile. Même s'ils veulent aider, mais ils vont pas. Ils mettent pas les pieds dans l'asile. Ben pour illustrer ça, c'est même qu'à partir du moment où on défend la collection, il la classe tout de suite art brut. Hein. Donc c'est il y a des préjugés, des a priori. Enfin, il y a plein de choses qui vont tout orienter. Là, tu parles donc, je précise, tu parles de la collection de tableaux qui a été réalisée au sein du pavillon 53 de l'atelier de l'enfer, ou après d'ailleurs. Oui, donc les tableaux qui ont été réalisés ou à Montreuil ou dans le pavillon 53, c'est tout de suite une classification, ben tiens, c'est des tableaux, mettons-les en musée psychiatrique et classons-les art brut. Donc, il faut difficile. Défendre, il faut défendre notre travail différemment. Il ne faut pas dire ça de manière douce et gentille. Il faut dire que le travail qui se fait au non-fer, c'est ce qui est pratiquement d'avant-garde. On est un vrai espace de création avec des gens qui travaillent je sais pas moi, à l'intérieur, qui portent quelque chose et qui vont justement, qui peuvent marquer justement la vision des gens comme ça qui aiment la création. Je Mais pense ça... qu'on fait un vrai travail comme ça et il faut placer ça. Il faut mettre le travail du non-faire, il faut le mettre vraiment dans une dynamique, dans l'art, peut-être l'art moderne, je ne sais pas quoi, mais pas faire des références à l'art brut, c'est à mon avis, c'est nul. Bah oui. Ah ouais, donc, il ne faut pas, quand il ne t'a rien à raconter sur l'art brut, on ne va pas faire de la publicité pour l'art brut. Si, c'est intéressant d'en faire, parce que c'est une manière de définir comment la collection a été créée. C'est pas De toute façon, tout le monde sait que l'art brut est un stigmate. Voilà. Bon, alors, chose qui a été... C'est pas des toiles qui sont mises dans un atelier d'art brut ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt comment la psychiatrie peut se réapproprier tout de l'homme. Classé art brut, travail thérapeutique, logement thérapeutique, tout est thérapeutique. Le transport thérapeutique aussi, hein, pour aller à la... Il y en a qui ont pris des ambulances pour aller là-bas. Donc c'est toujours sortir de ça. Et comment sortir de ça, c'est un travail de valorisation de ce qui a été fait. T'as vu, il est resté 3 minutes à parler sur la route. Alors qu'on a autre chose à dire, 3 minutes. C'est le travail, par exemple, quand Christophe parle de travail d'avant-garde, faire la promotion d'une collection en avant-garde, ça justifie de sortir d'abord la collection d'où elle est et de faire une promotion qui coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros autour de la nomination d'une collection. Alors que la dynamique, elle n'est pas là. Ce n'est pas de poser un nom sur les choses. Donc, nous sommes en combat, nous sommes dans un art de l'urgence, parce que les gens qui ont, parce que c'est bien gentil, on fait un truc pour une radio pour communiquer sur ce qu'on fait. En fait, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui correspond à de l'urgence. C'est-à-dire que les gens qui ont fait tout ça, ils continuent quand même d'être un peu pas bien de temps en temps. Comment, en montrant tout ça, en mettant ça ailleurs, en leur faisant voir que un peu de leur corps, de leur chair ou de leur esprit vagabonde, va en dehors, sort de l'asile de leur corps ou de l'asile tout court, comment ces choses-là peuvent leur redonner une dimension et positive, positiver leur existence. Moi, c'est ça que je vois. Je dis que nous, on fait un art qui correspond à quelque chose dans l'urgence, parce que les gens continue d'être pas bien. Et donc on peut ça aussi, ça fait poser la question: est-ce que créer et faire de la peinture, tout ça, ça rend bien? Ce qu'on sait, c'est que ça permet de tenir l'instant quand même, parce que les gens, ils viennent, on est dans un mouvement de chaleur et on continue. Donc on n'a pas trop à se poser la question, nous, est-ce que ça rend bien ou pas, parce que dans l'instant on tient la relation, on restaure quand même quelque chose qui semble s'être brisé, puisqu'on l'a. La personne vient et on le voit. Après, on ne sait pas. La question de l'art, ce n'est pas notre préoccupation. Je dis qu'on continue de cette dynamique-là, d'être présent et on bouge. on montre les affaires du mec malade, machin. On monte, on va, on l'expose, on l'invite, il vient. Il prend son temps. Il peut inviter un parent ou des amis à voir ce qu'il a fait alors qu'on croyait qu'il était perdu, allongé sous un lit en train de crier après le diable. Non, il fait des tableaux et c'est comme ça. C'est ça la dynamique qu'on développe. Et c'est ça que l'on fait, on continue de faire. C'est ça. Et ça qui nous intéresse. Le concert de musique, c'est pareil aussi. L'autre jour à la Grande Armée, on a fini le concert, on a dansé, on a fait danser, et on était dans une dynamique comme ça. Je crois que je l'ai pas vu ailleurs, dans des lieux psy. J'ai pas vu ça ailleurs. Et donc, nous, on a fait notre truc à la Grande Armée, dehors. On cherche toujours des lieux extérieurs pour montrer, pas aller dans les lieux de l'institution. Parce que, bon, moi, je trouve que quand tu vas dans les endroits de l'institution, c'est tu reproduis toujours, finis par reproduire l'asile. Donc, on va ailleurs, on trouve des interlocuteurs. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire des choses, mais ils savent pas que ça existe. Ils savent pas que, oui, ils pouvaient faire ça. Ils savent pas, ah oui, c'est lui qui a fait ça. Et non, justement, c'est notre travail qui est là de pulser et de dire qu'il y a de la vie et qu'on va dans la vie, qu'on vit. Moi, je crois que c'est ça. Donc, tu vas pas nous endormir sur l'art brut. C'est de l'art, comment on appelle ça, de l'art qui fait dormir quand tu vas, tu t'endors. Ouais. Stérile. Ah ouais, l'art stérile. Il y a beaucoup de fervent pour de l'art stérile, alors. Ouais, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que l'atelier doit absolument prendre en charge son avenir. Parce que tous les référents que j'ai vus aujourd'hui, quand ils voient le pavillon 53, ils veulent tout de suite le classer en psychiatrie. Donc c'est pour ça que nous, on doit quand même dire ce dont on n'est pas d'accord et dire ce vers où on va. On va avoir un mec comme Morel, qui par ailleurs est peintre et dont vous pouvez voir une toile merveilleuse qu'elle a réalisée hier, un nu féminin, dans la pièce à côté. Et je vous engage à aller le voir, c'est très beau comme toile. Je passe la parole à Cécile Morel. C'est un poème. Vous m'entendez? Oui, on parle fort, oui. C'est un poème de Rabindranath Tagore. Ô folie, superbe ivrognesse. Quand d'un coup de pied tu ouvres ta porte et badines devant le public. Quand tu vides ton sac en une nuit et fais la nique à la prudence. Quand sans rime ni raison, tu marches dans d'étranges sentiers et joues avec des babioles. Quand naviguant au milieu des orages, tu casses en deux ton gouvernail. Alors je te suis, ma camarade, je m'enivre avec toi et je me donne au diable. Que s'évanouissent tous les scrupules trompeurs, laissez-moi désespérément perdre ma route. Qu'un transport de vertige sauvage vienne et me balaye loin du port. Le monde est peuplé de gens honorables, de travailleurs utiles et habiles. Il y a des hommes qui se tiennent aisément au premier rang et d'autres qui occupent décemment le second. Laissez-les être utiles et prospères et laissez-moi être inutile et folle, car je le sais, là est la fin de tous les travaux, être ivre. Et se donner au diable. Je jure de renoncer désormais à toute prétention de dignité et de décence. J'abandonne mon orgueil de savoir et mon jugement du vrai et du faux. Je brise le réceptacle de mes souvenirs éparpillant jusqu'aux dernières gouttes de mes larmes. Je me plonge dans l'écume du vin rouge des baies et j'en illumine mon rire. La politesse et la gravité, je les déchire en lambeaux. Je fais le serment sacré d'être indigne, d'être ivrogne et d'aller au diable. Merci, Sophie Morel. Bon, on va passer à la question suivante parce qu'on est pris par le temps. Est-ce que vous pourriez expliquer justement le pavillon 53, ce que c'est, comment vous, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu comment est-ce que le pavillon 53 on est venu c'est à un devenir lieu, c'est un, le 53 c'est un lieu physique, c'est un lieu où le combat a commencé et tout et ça. Et se poursuit. Et se poursuit, Omar, parce que le maire de Neuilly maintenant c'est lui notre celui qui veut notre, on pourrait dire notre peau maintenant, il veut son pavillon, mais c'est là qu'il y a quand même pratiquement 5000 tableaux. Et justement, on tient à ce que ça soit pris en considération pour tenter de récupérer un autre lieu ailleurs. Et donc, mais le 53, comment dire ça, c'est un pavillon de Maison Blanche. C'est un, tous les pavillons sont numérotés. C'est un pavillon, mais c'est un lieu qui fait à peu près 1200 mètres carrés avec plein de peintures. C'était un dortoir, c'était un lieu de vie. C'était un lieu où les gens, ils étaient. Il y avait des machines, il y avait des ordinateurs, quoi, comme on dit. Où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus, ou même qui jouaient à des jeux. C'était selon, quoi. Il y a eu beaucoup de musique aussi. Il y avait principalement à l'entrée, quoi. Il y avait des formations qui s'improvisaient. Et puis dans une salle au fond, deux petites salles de répétition pour les gens qui voulaient travailler tout seuls ou avec quelqu'un. C'était assez grouillant, hein. Mais comment ça se fait que là justement, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe actuellement autour de ce pavillon? En fait, le pavillon a été vendu, tout l'hôpital a été vendu au maire de Neuilly-sur-Marne. Bon, le projet n'est pas encore défini de réhabilitation du terrain, mais le pavillon a été vendu. Donc le maire refuse de prendre les clés tant qu'il y a des toiles. Et l'hôpital donc ne peut pas achever la vente tant que le maire ne refuse les clés. Donc le combat aujourd'hui de ces deux entités, c'est d'essayer de faire partir l'atelier, donc en coupant le chauffage, etc. Ils ont fait depuis deux ans, ouais. Un peu plus. Donc c'est plutôt ça, c'est un problème de transaction immobilière. Ben ouais, malheureusement, ça, on en est arrivé là, juste un truc, transaction immobilière, tout et tout. Parce que tout le reste de l'hôpital, je pense qu'il a été relocalisé, mais l'atelier du non-fer, non, ils n'ont pas trouvé de place, c'est ça? Je ne sais pas s'ils ont cherché, mais en tout cas, non, ils avaient monté un comité censé chercher un lieu dans Paris, mais bon, ils n'ont pas vraiment cherché. Donc voilà, donc c'est, en fait, l'atelier, il est pris dans une transaction immobilière. Où chacune des deux parties dit que c'est magnifique, c'est génial, etc. Mais bon, c'est magnifique, c'est génial, mais partez. C'est un peu ça, quoi. Et du coup, après, c'est quoi les perspectives pour l'atelier? Alors, les perspectives, justement, comme il y a eu cette envie de faire vivre le lieu tel quel, parce que justement, c'est une manière de faire, donc sans la bouger, sans l'institutionnaliser, etc. Donc, il y a eu ce choix-là. Et le choix aussi de ne pas classer toute la collection en psychiatrie. Donc les perspectives, c'est aujourd'hui, on constitue un club de financeurs, surtout des fondations, pour qu'il y ait juste un espace. Ensuite, le lien que fait l'atelier du non-fer avec ce club de fondation, c'est que l'atelier leur apporte aussi à eux de l'événementiel. Donc voilà, donc ça nous... Par exemple, sous quelle forme? Sous les formes qu'on a déjà mis en place l'année dernière. Donc ce sont des événements comme sur le parvis de la Défense avec des grands chapiteaux, des expositions dans les tours. Là aussi, à la Cité de la Santé, donc des rencontres régulières avec une exposition toute l'année. Et des rencontres, des concerts, etc. Mais totalement libre, c'est-à-dire à notre manière. Nous, ça nous permet de fonctionner comme on le souhaite. Hein, on n'est pas tenu de... Il n'y a pas de regard sur l'activité. C'est uniquement de tenir cette action de faire vivre la place publique. Et toi, Ismaël ou Eric ou d'autres, comment vous étiez arrivé à l'atelier du Non-Faire ? Est-ce que vous pourriez raconter votre histoire, puisque Christian racontait la sienne? Christian n'a pas tout raconté. Hein. Il a occulté quelques petites choses. Il a raconté ce qu'il peut dire, avec ce qu'il peut raconter dans ces conditions-là. Pas grand-chose. Hein, bah, ce que tout le monde disait au début du Non-Faire, moi je l'ai connu, quand ça s'appelait pas Non-Faire et quand ça s'est appelé Non-Faire. Ce que disait l'institution, entre guillemets, c'était « Ah bon, bah, monsieur Sabas, allez voir monsieur Sabas parce que nous, on n'arrive pas à communiquer avec vous. » Voilà, entre autres. Et moi, j'ai connu ça lors d'une hospitalisation, quoi. Voilà, tout simplement. Quand tu étais à Maison Blanche ou... Oui. D'accord. Ben c'est pareil pour moi, hein. c'est aussi au cours d'une hospitalisation. Et puis de là, ben la vie s'est faite ensemble, ça fait 11 ans maintenant. Et puis l'histoire, elle s'est construite comme ça. Il n'y a pas eu de planification. c'est l'histoire se fait comme ça au fil des rencontres. Et justement, là tu sais, c'est un peu comme un organisme vivant, ça s'adapte comme ça en fonction des rencontres. Et là, actuellement, il y a combien de personnes qui sont actives au sein de l'atelier du Non-Faire ? Alors, difficile à savoir, parce que justement, ça ne fonctionne pas par adhésion. Ça a toujours été au jour le jour. Hein. Voilà. Ouais. Ça ne fonctionne pas par adhésion. Donc, c'est plus des rencontres qui se font comme ça. Il peut y avoir une trentaine de personnes actives, par exemple, quand je vois comme un événement à la Défense. Comme si c'est un jour de peinture, il peut y avoir deux personnes actives, comme on dit. Mais l'activité, elle va au-delà, puisque c'est soi qui est construit. D'accord. Il y a Cyril, un autre membre éminent du groupe qui est arrivé. T'as rien à dire, t'es sûr? Non, non, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure concernant comment on arrive au Non-Faire, moi en fait c'était un lieu qui m'était un peu interdit, on me disait qu'il valait pas que j'aille parce que c'est mal fréquenté. C'est les médecins qui te disaient ça? C'est le personnel hospitalier, quoi. Du coup ça t'a encouragé à y aller au contraire? Non, j'avais d'autres choses à faire, j'ai eu très longtemps avant d'aller au Non-Faire, j'ai été hospitalisé bien avant. C'est le hasard d'une promenade, en fait. J'avais rencontré Cyril Ogem. D'accord. Il avait la douceur sombre des personnages d'Enki Bilal. Mais à la place de la guerre, il avait mis la musique. C'est vrai qu'on se perdait dans l'hôpital, quelque part, et puis on attendait du bruit, on voyait que des gens, ils entraient là. Je me prends. Non, mais il y a d'autres gens qui sont arrivés comme ça. Ils savaient pas du tout que ça existait. Et puis ils sont restés deux ou trois fois le nez collé au vide, comme ça, à regarder ce qui se passait à l'intérieur. Et puis, ils ont fait le pas, peut-être une semaine après, ils sont rentrés. Et c'est comme ça que ça se passait. Hein. C'est pas un lieu qui était dans les fichiers de l'hosto, il y a un atelier là, et une ergothérapie là, ou non. C'est un atelier qui fonctionnait de manière vraiment... on pourrait dire que c'était comme un monstre dans l'hosto, quoi. Un espèce de truc... difficile à avaler, quoi, dans l'asile, parce qu'à tel point que les médecins, plein de fois, ils ont voulu que ça ferme. Ah ouais, parce que quand leurs gens, ils avaient transité par là, et que des bruits couraient qu'un tel était là, et toujours, il fallait que les gens y rendent des comptes. parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils ont été, tout ça. Et certains racontaient qu'ils ont été là dans l'enfer, et c'était pas clair pour plein de Toubi, ça pouvait pas exister dans un lieu où ils cadrent tout, ils veillent tout, et c'était pas possible. Mais donc, justement, mais comment vous avez réussi à faire perdurer cet atelier aussi longtemps dans des conditions comme ça, quand même, d'hostilité d'institution mais, par rapport à... Mais c'est que c'est, il faut imaginer aussi que les gens qui font l'asile, qui dirigent l'asile, quelque part, ils ont envie de souffler. Et ils ont trouvé que quand les gens, leurs patients difficiles ou je ne sais pas quoi, allaient dans cet espace un peu maudit, quelque part, ils étaient un peu débarrassés. Il faut de tous ces lieux-là, ces camps de concentration, ils cherchent une espèce de sas de comment soupape, on peut, de soupape de ouais, et ils ont jamais dit oui, ça nous fait du bien, mais on savait très bien quelque part ça leur faisait du bien, puisque pendant 20 ans et jusqu'à aujourd'hui ça marche, et donc ça a tout, c'est toujours resté, les différents directeurs sont passés, tout ça, mais l'atelier est toujours resté là, hein. Il est toujours resté à fonctionner de la même manière, et les gens y venaient, et le bouche à oreille fonctionnait très très bien comme ça, et ils y venaient, mais aucun médecin effectivement n'a dû dire vas-y là-bas, ou bien s'il l'a dit, il l'a dit avec son espèce de double langage, quoi. Ouais. Il reste pas ici, ça veut dire va là-bas. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Parce que même quand on a eu de gros problèmes pour fermer, et on a pensé qu'il y aurait quand même un médecin, quand la direction a demandé, a réuni les médecins, a demandé est-ce qu'il y a quand même une personne ou deux qui voudrait bien se porter garant du non-faire en tant que médical pour l'aider à exister, tout ça. Personne ne s'est porté. Donc c'est quelque chose qui a existé, on peut dire à contre-cœur, comme ça. Ils aimaient, mais sans aimer beaucoup. Parce que peut-être qu'ils auraient aimé être aussi en même temps dans l'expérience, non faire. Parce que c'est pas si évident que ça d'être le mauvais objet, quoi. Parce que quand un patient il a fait plein de peintures à l'atelier, quand il rentre dans le pavillon, c'est l'autre que c'est le mauvais objet, hein, le médecin, le pavillon. Parce que c'est les bonnes choses, c'est comme s'ils avaient été déposés dans le non-faire. Ouais. Poème de Gilles, extrait du livre L'atelier du non-faire. Il était une fois, dans cet asile, considéré comme un débile, un être de chair, Gilles, se battait avec l'ergactyle. Entre un coup de gueule et un coup de déprime, on l'abrutissait pour ne pas qu'il communique. C'est la bataille sans arrêt entre l'ordre flic et le délire libre de ceux qu'on traite comme des bêtes, justement parce qu'ils ne sont pas bêtes. Et moi, double piano, jouable, fougère eucalyptus. Et moi, soulagement, coucou mon amour. Mais justement, tout à l'heure, Christian parlait, lui, de le fait de changer le regard du personnel médical, infirmier ou psychiatre sur les patients. De tout le monde, c'est ce qu'on appelle la folie. Changer le regard, modifier le regard. C'est une idée inconsciente quand même, quelque part, au départ. Et on sait très bien que ça a fait du chemin maintenant, qu'il y a eu du travail de fait, et on sait bien que maintenant, les gens sont prêts à entendre, que les gens font des choses, ils sont prêts à se déplacer pour voir ces choses-là, dans quelles conditions on leur montre tout et tout. Parce que nous, avec le groupe, il n'est pas question qu'on aille, sous prétexte qu'on est à l'hôpital, qu'on aille montrer un visage de malade, de débile, ou je ne sais pas quoi. Nous, on travaille, on essaie de pulser une musique dynamique et bonne, et qui nous donne la pêche, qui gratifie. Et donc, c'est un peu ce que les gens ils vont chercher quand ils vont entendre le non-faire. Entendre que, oui, là-bas, on fait des choses, quoi. Et oui, quelque chose est possible là-bas, ouais. Ouais, c'est aussi... ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'expérience en tant que patient, d'être confronté aussi à l'institution, au regard des médecins et tout. Le non-faire, ça a dû être un espace où... enfin, respirer, quoi. De changement total de la perception à l'intérieur même de l'institution. C'est juste le regard qui change. Il y a un regard qui est basé que sur le trouble et qui va construire toute la vie autour de ça. Et après, il y a notre regard qui est sur le faire ou le potentiel. Et c'est sur ça qu'on se construit, quoi. Parce que même un... Je vais prendre un exemple tout con. Si on prend l'exemple d'un, d'un enfant et qu'on dit oh, de toute façon il ne marchera jamais, eh ben, on ne fera rien pour. Et donc c'est plus des choses comme ça. On dira qu'il ne marchera jamais parce qu'on a, on a décelé telle chose dans lui, dans le ventre. Quoi. Et donc ben, rien va être fait et puis la personne elle va être là en attendant de mourir. Donc c'est plus un regard qui change où il y a une vie possible. C'est ce qu'on entend souvent. Ah, ben votre enfant il est malade, il pourra plus travailler, il pourra plus faire d'études, il pourra plus faire ça. Et donc ça limite beaucoup les, ça, beaucoup c'est le les perspectives qui parle comme ça. Aux parents. C'est le médecin. Ouais. Ah, c'est le médecin qui parle comme ça. Et même dans les parents, ils disent bon, j'y crois quand même. Et puis ils disent non, vous, ne perdez pas votre temps, vous allez être déçus, etc. Et après, le double discours, c'est de dire oui, mais on dit ça aux parents pour pas qu'ils soient déçus, au cas où. Mais quand c'est tellement martelé qu'il n'y a plus rien à faire, ben c'est fini. Hein. Mais il y a un truc aussi très important, c'est que il faut voir, je sais pas comment que ça se passe chez un psychiatre, je sais pas. Par exemple, le fait que depuis longtemps, je fais plein de choses avec eux, tout ça, et moi, je trouve qu'on est vraiment dans une dynamique, c'est comme si on faisait des choses ensemble, je vois pas la maladie nulle part. Et on a des projets, peinture, musique, on a des concerts à faire. Là, à la fin du mois, on va déjà jouer à nouveau à la Villette. Mmh. Et on a déjà des projets, on est tout le temps en projet, je fais des projets avec des gens et on est dans des dynamiques et on va, on travaille pour ça et comme les gens ils font n'importe où et donc moi je crois que c'est ça qui fait vivre les gens, c'est comme ça que ça peut se passer. Donc le travail en fait il est là, c'est chercher où il y a une dynamique possible pour que la relation, les gens retournent dans la relation et puis ils y trouvent leur compte. Et c'est en fait ce que je veux dire, c'est que en fait moi je suis bien dedans comme ça. Tu vois, c'est ça. C'est donc ils me portent, je leur porte. Moi je imagine que la chose est comme ça. Ouais. Il a de bons musiciens. C'était donc la première partie d'un documentaire sonore sur l'atelier du non-faire et le GEM, les amis de l'atelier du non-faire. Cette émission sera rediffusée mercredi 13 mai à 10h sur FPP. Elle restera également disponible sur www.intempestive.net. Pour la deuxième partie du documentaire, qui parle davantage du GEM, il faudra patienter jusqu'au jeudi 21 mai à 17h. Et tout de suite, restez à l'écoute, c'est la salle 101. Servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion à dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.